L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonfires burning bright, pumpkin faces in the night. Bonsoir à tous mes petits loups, vous êtes bien sûr Osmose Radio. Ah, je le fais trop mal, bon j'arrête, c'est pas grave. Toujours est-il que c'est une playlist spéciale Halloween qui vous attend ce soir dans l'heure du loup. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver à 19h passé de quelques bonnes minutes. Je m'excuse pour le retard avec lequel commence cette émission et pour me faire pardonner en introduction, c'était ce groupe de psychobilly que j'aime bien, Hellcat and the Prowl, avec le titre Halloween. Halloween, c'est le thème. Ce soir, c'était une reprise des Misfits, le groupe horror punk qui a quasiment inventé ce style-là, l'horror punk. Et c'était donc repris par ce groupe psychobilly, Hellcat and the Prowl, qui est un groupe qui nous vient du Canada. On va continuer avec l'original, ce coup-ci, les Misfits, mais sans Clay Danzig, hein, qui était là à l'origine du groupe. Mais le groupe continue, lui, toujours. Et si c'est un petit peu différent de ce qu'il faisait au début, c'est toujours aussi bon. J'en veux pour preuve l'album Famous Monster, qui était sorti il y a quelques années. Je vous propose tout de suite, pour commencer et continuer cette playlist, le morceau Scream. We'll be right back. can't wait to hear you scream. Je peux pas m'empêcher d'attendre de t'entendre hurler, chers amis. Oui, effectivement, ce sera un petit peu le cas ce soir puisque je vous ai ramené une playlist qui fait un petit peu peur. C'est le thème en ce moment puisqu'on s'approche d'Halloween. Alors Halloween, certes, une fête qui n'a jamais vraiment pris chez nous et pour cause, c'est pas vraiment dans la culture. Ça nous vient encore un truc qui nous vient des États-Unis. Les marchands de produits divers et variés de farce et attrape ont bien essayé depuis la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000, grosso merdo, pendant une bonne dizaine d'années de faire prendre le truc pour nous vendre des cochons stés, mais ça n'a jamais marché. Il y a eu une mode comme ça au début des années 2000, pour autant je me souvienne. C'était assez marrant d'ailleurs, parce que moi je suis bon client pour tout ce qui est bougies en forme de crâne, citrouilles en bonbons, etc. Mais bon, ça n'a jamais pris, et les gosses eux-mêmes, qui sont concernés au premier chef, ont fait quelques tournées dans les quartiers pendant quelques années, puis après, d'après ce que disent les parents, ils n'ont plus demandé à aller réclamer des bonbons à la porte des gens. Ça n'a pas pris, ça n'est pas la culture chez nous. Pourtant, je tenais quand même à faire une playlist en l'honneur de cet événement-là, parce que c'est marrant à faire, c'est marrant à écouter, et puis après tout, c'est une des petites célébrations de l'automne, même de ce côté-ci de l'Atlantique, on va dire, sachant que bon, on ne vide pas des citrouilles pour en faire des crânes, mais ils mettent des bougies, mais on en mange quand même pour faire de la soupe ou des tartes ou que sais-je. En tout cas, moi, je ne m'en prive pas, chers amis, je suis sûr que c'est le cas pour certains d'entre vous aussi. Donc voilà, ce soir, vous l'aurez compris, c'est une playlist Halloween, on est dans le thème d'Halloween, et on fera aussi quelques petits écarts dans d'autres traditions un petit peu funèbres, un petit peu macabres dans d'autres cultures, mais on y viendra tout à l'heure. Pour le moment, donc, c'était les Misfits, comme je vous le disais tout à l'heure, ce groupe qui a inventé l'horror punk avec Scream. C'est un extrait de l'album Famous Monster qui était sorti en 2008, je crois. Et on va continuer avec un autre groupe du même calibre, mais plus métal, celui-là, encore une belle voix caverneuse et mâle. C'était le regretté Peter Steele dans le groupe Typo Negative qui nous chantait il y a quelques années, avant son décès en 2010, malheureusement, un extrait de leur discographie Typo Negative avec le titre Halloween in Heaven. They got that bomb and beat How cool that is! I feel myself too well. My jack-o'-lantern light on for everyone tonight. Keeping Halloween Alive, Alice Cooper à l'instant, et s'est enchaîné avec un autre grand héros du métal américain, Type O Negative, Peter Steele, et le titre Halloween in Heaven. Keeping Halloween Alive, c'est un single en fait que Alice Cooper avait sorti en 2009, et faut croire qu'Halloween ça conserve, hein, la soutrouille et sans doute moult autre chose aussi, puisque Alice Cooper, je l'ai vu en concert à Marseille en 2010, il avait 63 ans je crois à l'époque, et je vous assure qu'il est vert hein, sur scène encore, et il assure comme une bête, il a la pêche, ça fait vraiment plaisir à voir, on a moins peur de vieillir. Et tiens, en attendant de mourir, si on s'amusait encore un petit peu avec cette playlist que je vous ramène ce soir, donc une playlist thématique Halloween, et on va continuer avec, mais ce coup-ci on va franchir l'Atlantique, on va aller du côté de la Grande-Bretagne avec Zombina and the Skeletons, un groupe horror punk dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler, qui avait sorti en 2009 là aussi, un EP qui s'appelait Halloween Party Classics. C'est un groupe de Liverpool, donc une nana et plusieurs musiciens, Liverpool, tiens, comme comme les Beatles. J'avais jamais fait le rapprochement. Quoi qu'il en soit, donc c'est un groupe qui lui aussi a la pêche, et comme les Fab Four. Et là, donc Zombie Nights and Skeletons, alors sont connus pour des petites chansons sympas, assez rigolotes souvent, avec un humour un peu macabre. Et donc ce EP qui était sorti en 2009 ne fait pas exception, sauf qu'il a pour thème du coup Halloween. Et moi, je vous propose d'en écouter un extrait, Halloween Party Classic, Zombie Nights and the Skeletons, avec le titre Monster Mash. Transylvania trees. I am Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. Le sang qui coule le soir au fond des bois. en cage. Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve à mon prince charmant, d'être beau, d'être grand, pourvu qu'il soit anglais et chanteur, je resterai dans le domaine de l'horreur. Et comme cette histoire doit finir, salut, je vais retrouver mon vampire. Ça fait plus d'une heure qu'il m'attend, il doit se faire du mauvais sang. Je vais retrouver mon vampire, il doit se faire du mauvais sang. Alors là, on est vraiment dans l'humour franchouillard à la française, mais c'est dit de façon tellement mignonne qu'on lui reprochera pas. À l'instant, c'était Stella, une chanteuse de la période yéyé dans les années 60, avec le titre Le Vampire. C'est enchaîné juste avant avec Zombina and the Skeletons, c'est le titre Monster Mash, un extrait du EP Halloween Party Classics. Une petite anglaise mignonne et rigolote des années 2000 et une petite française mignonne et rigolote des années 60. On est comme ça dans l'heure du loup, on aime bien les chanteuses mignonnes et rigolotes. Un petit peu d'horror punk pour commencer l'émission, un petit peu de métal pour la continuer. Et donc vous l'aurez compris, cette parenthèse un petit peu rétro, un petit peu vintage avec ces deux chanteuses. Et à propos de Stella, donc c'est une, comme je vous dis tout à l'heure, c'était une chanteuse de la période yéyé, donc dans les années 60. Elle sortait un petit peu du lot par rapport aux interprètes Jean-France Gall, etc. parce qu'elle avait des chansons qui étaient pleines d'humour et que parfois elle composait elle-même. Par contre, elle est moins connue que France Gall ou d'autres de ses consoeurs. Et pour l'anecdote, elle s'est mariée avec Christian Vander en 1970 et après elle a fait partie du groupe Magma avec son mari. Et donc elle a contribué à un autre aspect de la musique française de l'époque, à savoir donc le jazz rock assez particulier et tout à fait singulier du groupe Magma, et qui a aussi influencé le rock progressif notamment. Voilà. Et évidemment, entre les deux, vous aurez reconnu La Césure. C'était un extrait d'un de ces fameux films d'horreur des années 30-40. Avec Bela Lugosi, le fameux acteur hongrois immigré à Hollywood qui interprétait Dracula, bien entendu, avec son accent inimitable, I am Dracula. Il n'y avait que lui qui savait le faire aussi bien. Mais c'est pas avec Bela Lugosi que je vous propose de continuer, c'est avec un autre grand acteur de ce style de film-là, l'acteur Vincent Price, qui lui aussi, dans les années 50, 60 et même un peu avant, a illuminé un peu les écrans dans cette grande époque du cinéma de genre et qui a donc laissé pas mal de traces par sa cinématographie très riche. Et ça a influencé pas mal de musiciens d'aujourd'hui, notamment le meneur du groupe Wednesday 13, un groupe de horror metal dont j'avais eu l'occasion de vous parler il y a deux semaines quand j'avais reçu les organisateurs de la Zombie Walk qui se tiendra samedi à Avignon. Et donc là, je vous propose d'en écouter un autre extrait, Wednesday 13, avec le titre The Ghost of Vincent Price. I knew that life would be the same. l'instant, on vient d'enchaîner deux morceaux, Wednesday 13 avec le titre The Ghost of Vincent Price, un hommage au fameux acteur de films d'horreur américain ou britannique, hein, je sais plus, enfin en tout cas c'était un homme qui avait beaucoup de charme. Et ensuite c'était enchaîné avec un autre personnage qui est assez intriguant lui aussi, c'est la Llorona, un personnage de légende mexicain, et c'était repris par le groupe psychobilly espagnol Motor Zombies. La Llorona en fait c'est une chanson traditionnelle mexicaine qui avait été reprise et reprise et plein de fois, vous l'avez sûrement entendu notamment dans le film sur Frida Kahlo, et ça a été repris aussi par Chavela Vargas je crois. En tout cas c'est vraiment un morceau traditionnel en hommage à ce personnage mythique du folklore mexicain qui est en fait un fantôme, le fantôme d'une femme qui pleure et qu'on n'arrive jamais à attraper, elle s'enfuit quand on s'approche. Voilà pour la petite anecdote. Pourquoi je vous parle de ça? Bah parce que c'est une playlist Halloween ce soir dans l'heure du loup sur Osmose Radio si vous nous rejoignez à l'instant les amis, mais j'avais envie de parler un petit peu aussi des autres traditions liées à cet moment de l'année là, liées à cet événement en fait du calendrier, et c'est le cas notamment au Mexique où ils ont la tradition du Dia de los Muertos, le jour des morts, donc qui correspond à la Toussaint mais qui vient en fait de traditions mayas et aztèques beaucoup plus anciennes, hein. Je vais pas faire de l'archéologie ou de l'ethnologie dans cette émission, mais il faut savoir que c'est quand même très très intéressant d'un point de vue culturel et historique, et notamment ils ont une coutume là-bas qui est assez rigolote, c'est les gosses ou les gens en général qui s'offrent des petits crânes en sucre pour conjurer la mort, et donc voilà, c'est un imaginaire et tout un art folklorique très très intéressant, avec des petits crânes en sucre, avec des personnages, la Catrina par exemple qui est une bourgeoise en fait, mais quand on la voit de loin elle a des très beaux habits, et en fait quand on s'approche on voit que c'est un squelette quoi, et voilà, donc c'est très très intéressant, je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus, et cette culture mexicaine du Dia de los Muertos qui est pas très très connue mais qui peu à peu se fait connaître sous nos contrées, je pense que c'est une extrêmement bonne chose parce que c'est un sujet, je le répète, très intéressant. Mais c'est pas avec ça qu'on va continuer, c'est avec des enfants décadents, des enfants psychotiques, The Sound of Psychotic Children, c'est justement un extrait de l'album dont je vais vous parler maintenant, avec le groupe The Vanishing, et tout à l'heure hein, je vous parlais d'un disparu Peter Steele, et on va parler d'une autre nécrologie, en l'occurrence en anglais ça se dit Obituary, et c'est un extrait tout de suite de cet album, Sound of Psychotic Children par The Vanishing. We'll be right back. Succubus Succubus avec le titre Charmaine, un très bon groupe de rock gothique britannique qui sortait ce titre au début des années 90, en 93 je crois précisément, et s'était enchaîné juste avant avec un groupe canadien, un groupe post-punk qui s'appelle The Vanishing, et c'est un extrait de l'album Sound of Psychotic Children avec le titre Obituary. Sound of Psychotic Children, des enfants psychotiques, hein, c'est peut-être ce que vous allez croiser ce week-end si vous avez la malchance d'avoir à votre porte des gamins qui viennent demander des bonbons, puisque comme je le disais en début d'émission, la mode d'Halloween a fait long feu et donc il n'y a plus beaucoup de gamins qui se prêtent à ce jeu-là, mais il y a toujours quand même des occasions de se faire plaisir avec des playlists thématiques comme je le fais ce soir. Et pourquoi je vous parlais de Charmaine ? Ben parce que comme je l'ai fait avec le Dia de los Muertos tout à l'heure, à ce moment de l'année un petit peu particulier de la fête des morts, de la Toussaint, tout ça, forcément il y a des tas de cultures qui s'intéressent à ce moment un petit peu particulier dans le calendrier et pas seulement le calendrier grégorien et les fêtes américaines. Il y a Halloween bien sûr, mais je vous parlais donc du Dia de los Muertos au Mexique, et en Europe, dans les pays de tradition celtique, on a longtemps eu la fête de Charmaine, qui était une des grandes fêtes du calendrier celtique, avec Limbolc en hiver, avec Beltane au printemps, et donc en automne, il y avait Charmaine, qui correspondait comme ça donc à la fête où tous les esprits, les petits lutins, tout ça revenaient sur terre. Alors pour l'anecdote, hein, c'était les immigrés irlandais qui avaient l'habitude de creuser des navets en fait et d'y mettre une bougie pour faire des lumières comme ça, c'était rigolo, et qui finalement n'ont pas creusé des navets une fois arrivés aux États-Unis, mais ont pris ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire des citrouilles. Et c'est comme ça que la tradition est née. Voilà pour l'anecdote. Donc écoutez, hein, de fil en aiguille, les traditions se perpétuent, mais à l'origine c'était quand même cette tradition celtique là, Charmaine, à laquelle je tenais à faire quand même un petit clin d'œil dans cette playlist. Maintenant, quand on pense à toute cette culture gentiment macabre, un peu sinistre, un peu lugubre, tout ça, forcément on pense à des films qui nous ont marqués ou des séries qui nous ont influencés. Évidemment, moi comme tout le monde, hein, j'ai regardé La Famille Adams et j'ai bien rigolé, j'ai regardé Les Simpsons et j'ai bien rigolé, notamment pour leur émission spéciale Halloween qu'ils font chaque année. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais leur ramener un générique de série télé. Et finalement, Les Adams, Les Simpsons, eh ben écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas su choisir. Thank you. top, low right, track them. Redneck fella, moonshot seller, hanging by his neck bone, chicken bones locked in the cellar. Bella, belly chicken plucker, the redneck fucker. Who's going chicken hunt? We's going chicken hunt. Who's going chicken hunt? We's going chicken hunt. Who's going chicken hunt? We's going chicken hunt. Got a motherfucking chicken hunt. Wesh gros, t'as peur des clowns ou quoi? À l'instant, c'était enchaîné un mash-up, en fait, un mix entre deux génériques de séries télé qui vous auront sans doute marqué, La Famille Adams et Les Simpsons. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un mash-up. Et c'est enchaîné ensuite avec du rap, hein, pourquoi pas, ça fait un petit peu hors sujet dans l'heure du loup, je vous l'accorde, qui est plutôt une émission consacrée au rock. Mais je tenais quand même à faire une petite dédicace à l'actualité avec ce groupe Insane Clown Posse et le titre Chicken Hunting Slaughterhouse Mix. Slaughterhouse, donc le mix de l'abattoir. Et Chicken Hunting, bah, la chasse aux poulettes, sachant que dans l'actualité récemment on a eu quelque chose d'assez sordide. C'est des, vous avez sans doute fait attention, ça a commencé dans le nord mais ça essaime un petit peu partout en France et ça soucie largement les gardiens de l'ordre public, on les comprend. C'est des gamins qui s'amusent à se déguiser en clown et à faire peur aux passants, alors que ce soit de manière passive, hein, en se tenant et puis en regardant fixement les gens, ou que ce soit de manière plus active et beaucoup plus condamnable en les pourchassant avec des haches par exemple. Voilà, donc je sais qu'il y a eu des plaintes de déposer, ça commence à être un petit peu le bordel, les gens ont peur que ça devienne une mode virale par internet et du coup voilà quoi, les clowns font peur une fois de plus. En tout cas moi ça m'aurait permis, hein, cette actualité un petit peu sinistre, ça m'aurait permis d'apprendre un mot puisque la peur des clowns s'appelle la coulrophobie. Voilà, je connaissais la couillonphobie avec tous ceux qu'on doit supporter au quotidien, bon mais là j'en ai découvert un truc en plus. C'est Insane Clown Posse, donc c'est un duo de Détroit, un duo de rap qui a cette particularité de se grimer en clown, justement, pour la petite dédicace, pour l'anecdote. Et Détroit, une ville qui nous a donné de grands groupes de rock, hein, le MC5 ou plus récemment les White Stripes, mais il y a aussi des groupes, enfin des rappeurs comme Eminem et donc Insane Clown Posse, qui est un groupe assez particulier dans le sens que il mêle des influences venant du métal dans ses compositions rap, comme vous l'aurez entendu, comme quoi il n'y a pas que les Californiens qui font ça. Et aussi ils ont, depuis une vingtaine d'années, ils ont créé autour d'eux une communauté de fans assez active et assez fidèle qu'on appelle les Juggalos, qui chaque année, donc pour Halloween par exemple, font un grand rassemblement à Détroit où il y a un concert du groupe, etc. Et ils sont tous maquillés en clown. Manifestement, c'est une bonne ambiance, contrairement à ce qu'on peut vivre en ce moment dans certaines villes françaises. Voilà. Donc, Insane Clown Posse, un petit détour du côté du rap dans la playlist de l'heure du loup. J'espère que vous me pardonnerez, chers amis. Allez, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus traditionnel et d'un petit peu plus calme aussi pour aller tout doucement vers la fin de l'émission qui se prolonge un petit peu au-delà de 20h, une fois n'est pas coutume. London After Midnight, qui refait une reprise d'un morceau de la bande originale d'un film qui nous aura tous beaucoup touchés, j'en suis sûr. D'ailleurs, je présente même pas le morceau, je présente même pas le film Salisson, vous reconnaîtrez forcément ce morceau. I sense there's something in the wind that feels like tragedy's at end, and though I'd like to stand by him, can't shake this feeling that I. Just around the bend, and does she notice my fingers for her? And can she see how much she needs you? Here? I think it's not to be. What will become of my dear friend? Where will his actions lead us then? Although I'd like to join the crowd in their enthusiastic cloud, try as I may, it doesn't last. And will we ever end up together? London After Midnight, qui reprenait la très belle chanson de Sally, qui avait été composée par Danny Elfman pour le film produit par Tim Burton et réalisé par Henry Selick, L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien entendu, vous l'aurez reconnu, un très très beau film d'animation qui était sorti au début des années 90. Voilà, on arrive à la fin de cette émission consacrée à Halloween, chers amis, et j'espère que la playlist vous aura plu, c'était assez sympa à faire, j'espère que ça aurait été sympa à écouter. Alors voilà, chers amis, je vous ai parlé d'Halloween, je vous ai parlé du Dia de los Muertos, je vous ai parlé de la tradition celtique de Chamein, et en France alors? Eh bien justement, on va continuer avec une jolie dédicace qui a été faite par un compositeur de musique classique française du 19e siècle, Camille Saint-Saëns, qui a su explorer ce patrimoine culturel qui est tout aussi riche qu'ailleurs en France, qu'on a autour donc de la tradition de la Toussaint et des légendes fantastiques, etc., qui nous viennent du Moyen-Âge et même de bien avant à mon avis. Et Camille Saint-Saëns avait mis en musique une danse macabre à la fin du 19e siècle, c'était en 1875, et je vous propose d'écouter ça pour nous quitter, chers amis, hein, comme à notre habitude. On va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, ce soir ce sera de la musique classique, enfin la musique de la période romantique, avec Camille Saint-Saëns, et une danse macabre. Moi, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une playlist un petit peu plus sobre, on va dire, qui sera consacrée au thème de la Première Guerre mondiale. Pour le moment, je vous laisse avec une danse macabre et je vous propose de rester bien vivant jusqu'à la semaine prochaine. Bisous.